Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Stéphane Malik. Salut Steph, comment tu vas ? Salut Sofiane, merci de l'invite. Hein. Merci à toi, c'est un plaisir de te recevoir, merci d'avoir accepté. De rien. Bon, comment tu vas ? Ouais, j'ai bien, bientôt on est libéré, donc ça va. Oh oui, bientôt libéré. Là, au moment où on enregistre le podcast, c'est dans quelques jours et quand l'épisode sortira, ce sera déjà fait normalement, voilà. J'espère qu'on ne sera pas reconfiné d'ici là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ah, moi, j'en ai deux. Alors, deux. La première, c'est que en janvier dernier, je réponds à un post sur Facebook. En fait, il y a un humoriste qui devait passer dans une émission télé. Il s'est désisté, il cherche un humoriste. Donc, je postule et je suis pris. Et c'est ma première émission télé. On est le 15 janvier et l'émission, c'est le lendemain, le 16. C'est un sacré coup de bol. Ah ouais, c'est un gros coup de bol. Et en plus, c'est mon anniversaire le 16 janvier, donc j'étais content, tu vois. J'ai pas joué depuis 2 mois et demi. Ah. Et on est en période de Covid. Donc j'arrive à l'émission, et c'est une émission, c'est une web TV, c'est l'émission Blabla Wilson Avant-Garde de Wilson Claude Balda, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Oh, tu vas retrouver, tu vois. Et l'invité, c'est Harry Roselmack. Donc belle émission, tu vois. Un truc super pro, j'arrive super pro. Sauf que c'est une émission sur l'art en général, tu vois. Donc, il y a des chanteurs, des danseurs, des stylistes, des peintres, et moi, tu vois, faire du stand-up. Ouais. Donc, tu sens que tu représentes l'humour, là. Je représente l'humour, tu vois. Et je me dis, ah, c'est chaud quand même. J'ai l'impression qu'ils sont tous très, très bons, tu vois. Et moi, j'ai toujours pas joué depuis 2 mois et demi. On me dit de faire mon sûr, donc je fais mon sûr. Sauf que j'ai pas prévu qu'il y avait pas de public, tu vois. Ah, ouais, c'est bien. Et faire du stand-up sans public... C'est assez ouf. Ouais. Et je joue. Et en fait, Wilson, qui est un mec super gentil et son émission est superbe, mais il présente l'émission en kilt. Ah, d'accord. En jupe écossaise, quoi. Voilà. Et j'ai Harry Roselmack. C'est tout ce que j'ai comme public, tu vois. Et j'ai des caméras. Et je commence à jouer et je bide. Mais tu sais, je sens que je bide parce que j'ai pas de rire, tu vois. Après, la question, c'est est-ce que les gens qui regardent chez eux ne riaient pas ? C'est ça la question. Tu peux pas le savoir. Ah, je peux pas savoir. Mais moi, dans ma tête, je me dis, je suis en train de bider, tu vois, j'ai pas de rire, tu vois. Et j'ai juste un mec en kilt, Harry Roselmack, qui me regarde avec son sourire de 7 à 8, tu vois. Et toi, le comique de la situation, c'est que... C'était bienveillant, en fait. Super bienveillant. Voilà, ouais, il essayait de te soutenir. Ouais. Et moi, en fait, j'ai envie de taper un délire sur eux, tu vois. Tu sais, le comique, l'humoriste qui voit un truc drôle, qui dit, ouais, c'est ça qui est drôle, en fait, tu vois. Hein. C'est pas mon sketch. Et franchement, ça se passe. Mais j'ai eu l'impression de faire un bide interstellaire, tu vois. T'es pas un rire, quoi. T'as pas un rire. Oh, c'est chaud. Première fois que ça m'arrivait. Et du coup, après, j'en ai discuté avec un pote qui était venu avec moi. Et lui, il comprenait pas parce qu'il était dans les loges. Il dit, ouais, j'ai rien entendu. Je suis, bah ouais, il y a pas de rire, il y a personne, tu vois. Le problème, en fait, de bider quand t'es face à la caméra, c'est que la transpiration, ça passe mal à l'image. Ah oui, mais tu te transformes. Hein. Tu dis, ah ouais, en fait, tu joues, tu sais, tu connais tes vannes, tu vois. Il y a ce rythme d'avoir des rires à... Tu vois, c'est un peu ta musicalité, ta musique, c'est un peu les rires des gens, tu vois. Ouais, t'as un petit filet de sueur qui ruisselle sur ton front. Ah oui, jusque dans ta nuque. Je suis mal. Et en fait, tous ceux qui sont passés, ça s'est plutôt bien passé, parce que des chanteurs qui chantent, tu vois, ça se passe bien, tu vois. Des stylistes, ça se passe bien. Des danseurs, ça se passe bien. Mais voilà, humoriste en public, c'est chaud. Ben oui, on a quand c'est de la musique, quand c'est de la danse et tout, on n'attend pas une réaction. Si tu veux, c'est pas grave si les gens écoutent et apprécient ou regardent et apprécient. Alors que nous, l'humour, la validation, c'est le réflexe, parce que le rire est un réflexe. Le réflexe vraiment du rire, si jamais t'as pas le « Ah !» c'est mort. Ben oui, c'est ça. Et en fait, tu sais, je me vois me décomposer tout le long de mon passage. Et à la fois, dans ma tête, je suis mort de rire parce que je regarde Wilson en jupe et Harry Roselmack, c'est Tabi, c'est le journal de 20h. Toi, t'as connu aussi, tu vois. Et je vois sa tête et je me dis, à un moment, il va annoncer la pub. Non, franchement, c'était énorme. Oh, mais franchement, la situation, elle est cocasse. J'avoue que bider devant un mec en kilt et Harry Roselmack, c'est pas toujours... Bah ouais. Et voilà. C'est ta première télé, t'as cette pression de première télé, tu vois, tu dis, faut que je sois bien. Et en fait, je suis nul. Et je me dis, waouh, la situation, c'est un sketch. Tu sais, on aurait dit, franchement, tu m'aurais fait une caméra cachée, c'était la même, tu vois. Ouais, ouais. Mais t'as été comment au niveau de la prestation après à la fin, c'est-à-dire toi, est-ce que tu as réussi à la fin, eux me disent, mais c'était bien, tu vois. Ouais, mais est-ce que toi, tu as réussi la question, en fait, c'est une question technique plutôt que je me pose, c'est est-ce que tu as réussi malgré le bide à garder ta prestance et oui. Tu vois, genre dans ta tête, t'es dégoûté, mais sur scène, ça ne se voit pas. Ou est-ce que vraiment tu as perdu ton énergie? Enfin, moi, je sais, tu vois. Non, toi, tu sais, mais... En fait, la vidéo est disponible sur YouTube, hein, si vous voulez me voir bider. Et franchement, ouais, eux sont contents de la prestation, mais moi, je suis dégoûté. Mais dégoûté. Mais je suis mort de rire en même temps, tu vois. Et je pense que les gens, toi, faut toujours être prêt. À n'importe quel moment, on peut t'appeler pour jouer. À n'importe quel moment, on peut te proposer des choses. Et c'est ça la leçon que j'ai retenue, tu vois. Faut toujours être prêt. Et tu peux jouer dans des conditions où t'as pas de public. Moi, ouais, je pense à tous ceux qui ont fait des lives pendant le confinement. Ouais. Ça a dû être dur aussi, tu vois. Si t'as pas un minimum 3-4 personnes qui font... ou que t'entends rigoler, c'est très, très difficile, quoi. Moi, j'ai du respect pour ceux qui ont fait des spectacles sur Zoom et tout. C'est arrivé beaucoup au Québec, notamment. Mais on m'a dit qu'ils faisaient un truc. C'est-à-dire que, bien évidemment, s'il y a, mettons, je ne sais pas, moi, il y a 200 connexions, ils ne peuvent pas te mettre le son de 200 personnes. Ils en prennent quelques-uns, tu vois, et ils te mettent... Il y en a certains qui ont joué avec une oreillette. C'était le cas de Martin Vachon, qui était dans le podcast également. Et il m'avait raconté qu'il avait une oreillette avec les retours des gens. Et donc, il entendait quelques personnes et tout. Sauf qu'après, bon, sa galère à lui, qui m'a raconté, c'est que l'oreillette ne marchait plus trop bien. Tu vois, enfin, je ne sais pas si c'est l'oreillette ou si c'est le réseau ou quoi, mais en tout cas, le son ne lui parvenait plus aussi bien qu'au départ. Donc, il a eu vraiment du mal. Mais il m'a dit, j'ai gardé l'oreillette exprès, parce que moi, je lui ai dit, pourquoi tu ne l'as pas enlevée? Et il m'a dit, je l'ai gardé exprès parce que ce son, ça me permettait quand même de savoir où j'en étais et tout, de voir que ça a marché. Tu sais, tu fais une pause pour laisser les gens rire et tout. Ça te donne une espèce de repère, quoi, quand même. Bah oui, parce qu'en fait, tu as un rythme. Et quand tu sais, tu as ce fameux rythme où t'entends, tu sais que là, ça va rire, etc. Mais quand tu n'as plus le rire, tu vois, il faut que tu arrives à rattraper ce blanc que tu as un petit peu au moment des rires. Tu le passes, tu vois. C'est-à-dire que là où tu es habitué à t'arrêter, à respirer, il faut que ta respiration, tu la changes pour pouvoir avancer et que ça se voie pas, quoi. Et c'est un super bon exercice. Dur, mais bon exercice. Ah ben là, ça a été ton baptême de télé. Et du coup, la prochaine fois, tu sauras qu'il faut y aller prêt et penser à l'éventualité qu'il n'y aura pas de public. Et toujours, toujours préparer des vannes sur les kilts et sur le 7 à 8. Mais ouais, Harry Roselmack, en plus, franchement, j'ai rencontré des artistes formidables. Je vous conseille l'émission. C'est vrai que, tu vois, nous, par rapport à d'autres arts, le stand-up, tu vois, on est encore timide là-dessus. On ne dit pas que c'est un art, tu vois. Mais c'est un art, tu vois. Je voyais les chanteurs qui étaient hyper respectueux de ce que je faisais. Et moi, j'étais hyper respectueux des artistes qui étaient là, tu vois. Mais on est encore timide, tu vois. Pour nous, on a un peu le syndrome d'imposteur quand on va sur ce genre d'émission, tu vois. Alors que c'est pas le cas du tout. Ouais, bah en fait, on est dans un art qui est très, très périlleux et tout, qui est génial au niveau de quand ça cartonne, tu vois, et tellement douloureux quand ça bide. Parce que je pense pas, je me pose la question, mais je pense pas qu'un musicien qui joue et il voit les gens qui parlent entre eux, parce qu'eux, ils peuvent jouer pendant que les gens mangent ou pendant que les gens parlent. Les gens vont quand même apprécier, tu vois. Et je me demande si un musicien qui joue, personne n'a l'air de l'écouter. Personne n'a l'air de l'écouter. Mais pourtant, il y a quand même la musique en fond. Donc voilà, je me demande si ce mec-là, il ressent la même chose que nous quand on bide, c'est-à-dire quand les gens nous écoutent et ils ne rient pas. Bah, nous, on est tributaires du rire et, ou des applaudissements. Mais un chanteur, quand, en général, même s'il ne chante pas super, à la fin, tu vas applaudir, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors que nous, à la fin, nous, s'il n'y a rien, t'es détruit, quoi. Tu prends ta petite claque. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de dire, bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est bon, c'est terminé. Et là, il n'y a pas d'applaudissements ou très, très peu, tu vois. Et tu sors dans le silence, tu sors dans le même silence que celui dans lequel t'es entré et dans lequel t'as passé ton sketch. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu que les gens étaient hyper respectueux de ça, tu vois, de se dire, ouais, c'est super dur ce que t'as fait. Donc, tant mieux, tu vois. Après, je pense que chacun est à sa place, parce que quand quelqu'un, je sais pas moi, un mec, un comptable, il va te regarder sur scène, il va te dire, jamais de la vie, j'oserais faire ce que tu fais. Ah ouais, non, personne. Enfin, voilà. Très peu de gens vont vouloir monter sur scène. On est d'accord, mais dans l'autre sens, toi, le comptable, tu le vois dans son bureau en train de lire des trucs de malade sur la fiscalité, en train d'essayer de faire des calculs de ouf. Et tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, franchement, je serais incapable de faire ça. Non, mais voilà. C'est ça. Oui. Chacun est dans sa branche, chacun fait ce qui lui semble être sa voie, Et puis, ben voilà, c'est tout, tout va bien dans le meilleur des mondes dans ces cas-là. Si des gens veulent tenter l'humour, faut qu'ils le tentent. Si des gens veulent tenter la comptabilité, faut qu'ils y aillent aussi, tu vois. C'est, on est là en fait pour faire ce qui nous ressemble le plus, parce que je crois, alors je sais plus, je crois que c'est Confucius qui a dit un truc du style travaille dans ce qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'est une phrase dans ce style-là, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est la passion fait que tu vas toujours plus loin. C'est La ça. passion, tu sens pas le temps que tu as mis à travailler dans n'importe quel domaine. Quand tu fais du sport, tu vas faire des heures d'entraînement. Quand tu vas faire de l'humour, tu vas faire des heures à passer à écrire. Quand tu es passionné de, je sais pas, de finance, peut-être passer des heures à lire des livres sur la finance. Mais ça va te rendre plus fort et tu le fais par amour, tu vois. Faire les choses par amour, ça t'emmène plus loin, de toute façon. Je croyais que tu allais dire un truc du style, quand tu es passionné, genre par la finance, tu fais un stage à la mairie de Levallois. Chez les Balkany. Ah bah oui, hein. On les embrasse, hein, On évidemment. les adore. Hein. Ils sont très drôles, hein. Ben, c'est drôle et en même temps, c'est frustrant de se dire que ça peut exister, tu vois. Ah oui, c'est sûr, Parce c'est que là, sûr. tu vois, le mec, il se fait choper, il va en prison. Après, on dit non, il est souffrant et tout, faut qu'il sorte. On le sort, il fait la La danse. rumba, il danse à la fête de la musique et tout. Ah, sérieux. C'était En plus, excellent. c'est même pas le mec, genre, il l'a fait discrète avec une perruque et machin. Ah, il s'est mis dans un pull rose, frérot. Et le pire, c'est que tu vois, tellement c'est fort, c'est que son avocat, il est devenu ministre de la Justice. Ça, non, ça c'est une pépite. Tu sais, quand il dit, quand tu sais, il essayait de le défendre et tout, tu l'as vu ça, quand il Ouais, disait, et qui s'il lâche vous l'affaire, plaît, vas-y, laissez. lâche l'affaire, parle plus, s'il te plaît. Voilà, genre, s'il vous plaît, laissez mon client tranquille et tout. Il va fêter son. Genre, sa femme, elle est pas bien. Il va fêter son, je sais plus, genre, 72e ou je sais plus quel âge, tu sais, 72e anniversaire ou quoi. Et après, il fait, oh, ne me vieillissez pas quand même. Et l'autre, il l'a regardé, C'est énorme ça. mais tu sais, en mode, t'es au courant là que t'es en train de t'enfoncer là? Ferme-la! Non, Ferme-la, mais laisse-moi c'était. faire mon taf. Ah, je te jure. Ah, des fois, la réalité dépasse la fiction. Mais tellement. En tout cas, Patrick, vraiment, si tu écoutes ce podcast, tu es le bienvenu quand tu veux. Ah ouais, Patrick. Ah ouais, ça serait bien. Franchement, Patrick Balkany dans mon podcast, ah mais laisse tomber, je l'invite quand il veut, avec grand plaisir. Il va nous raconter galère de détournement. On fera un épisode spécial galère de détournement, tu vois. Et là, il va nous raconter, ouais, t'as vu, tu sais, tu connais, tu sais, quand t'arrives au Panama, après. T'arrives, le mec il te reconnaît pas, tu lui dis je veux faire un dépôt, c'est à quel nom Balkany? Ah, je vous avais pas reconnu et tout, t'as vu, voilà, c'est. Là, je le vois bien sur TikTok faire des tutos blanchiment d'argent. Là là. Alors, les amis, aujourd'hui, la déclaration d'impôt. Allez, les amis, on y va, c'est parti. Ah, Avec la petite il danse et est. tout. Oh, ben oui, et son pull rose, on est d'accord. On est d'accord. Ah oui, parce que ça fait partie de son personnage maintenant. Maintenant, ouais, c'est clair. Est-ce que tu t'imagines que peut-être, on ne sait jamais, hein, tu sais, toi et moi, on est en train de parler là, mais on ne sait pas. Est-ce que tu imagines que peut-être depuis le début, le pauvre, il essaye juste de devenir humoriste et il essaye d'attirer l'attention sur lui comme ça? J'imagine, ouais, je voulais faire de l'humour, finalement, je suis rentré en politique. Peut-être que c'est un stand-upper de ouf, en vrai, tu vois. Mais nous, dans le stand-up, on sait qu'il faut vivre des choses pour les raconter. Et Tu vois ce que franchement, je il veux faut dire? faire un spectacle, hein. Mais de ouf! Donc le mec, il se dit, je vais faire du détournement, je vais avoir des choses à raconter. Je vais me faire choper, je vais aller en tôle, je vais pouvoir parler de la tôle. Ah, bon, finalement, ils m'ont libéré. C'est quoi? Allez, c'est quoi le dernier moyen qui me reste? Attends, qu'est-ce que j'ai dans l'armoire? Mon pull rose, allez. Et Allez, hop, la fête de tu la vois, musique. fête de la musique, je vais aller danser là-bas. Mais sérieux, le mec, il cherche du matériel. Le mec, il est en train de roder un set, là. Je te dis, ces jokes, elles vont être vraiment puissantes, je le sens. Je pense que tu mets un metteur en scène, tu le mets et ça pourrait être drôle. Franchement, ça pourrait être un spectacle drôle. Ça Mais serait triste parce tellement. que en fait, c'est quand même quelqu'un qui est voilà, condamnable, mais ça serait drôle. Totalement. Moi, je pense que c'est le genre de personnage, en fait, où tu te demandes où se trouve tu vois, genre la limite entre la réalité et la fiction, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui ont des vies, tu te dis, si le mec l'a fait exprès, c'est un génie. Si le mec l'a pas fait exprès, c'est un génie aussi. C'est Tu vois? ça. C'est-à-dire que tu sais, là où toi tu vas exagérer des traits pour que ce soit drôle, lui il le fait naturellement, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, Patrick, t'es le bienvenu dans le podcast. Et s'il y a un moyen de choper une place pour ta première partie, je suis chaud. Moi aussi. Franchement, ouais. Tu sais quoi? Fais la tournée de tous les zéniths. Et puis voilà, pour la location, je pense que tu arriveras à trouver l'argent. Ça, c'est pas un problème. Et fais croquer les stand-uppers. Allez, je verrai Thomas Wiesel en première partie, moi. Ah, ça serait super drôle. T'arriverais pas à déterminer si t'aurais envie d'écouter Thomas Wiesel pendant une heure qui va te parler de Balkany, parce que clairement, il y a tellement de choses à dire, tu vois. Il ferait une heure sur Balkany et après, il resterait 10 minutes de deuxième partie de Balkany, ou si tu as envie d'écouter 10 minutes et après une heure de Balkany, tu vois. Il y aurait débat quand même, il y aurait débat. C'est clair, ou même un face-à-face, tu fais un, tu sais, genre en mode podcast, tu vois, genre Ouais. Thomas Visé, Ah, mais tu mets Thomas Wiesel et Patrick Balkany. Ah, moi, je veux écouter ça. Hein. Balkany. Thomas Wiesel, lui, en plus, c'est quelqu'un, tu vois, qui décortique tout, qui va Ah être oui, vraiment. Il va s'intéresser bah au lui, c'est un sujet. génie. Déjà, toi et moi, bon, je pense, enfin, je t'inclus dedans, mais je pense qu'on est pareil. Moi, je n'ai pas creusé le dossier Balkany, tu vois. J'ai juste les infos que tout le monde a, tu vois. Bah surtout, c'est des infos récurrentes, c'est-à-dire qu'il revient souvent dans l'actualité, quoi. Oui, mais c'est ça le pire, c'est que tu te dis, quelqu'un comme Thomas Wiesel, qui va aller décortiquer le truc pour préparer un set de ouf, il va trouver des pépites que le grand public ne soupçonnait pas, tu vois. Ah, c'est sûr. Déjà, quand nous, on gratte en surface, tu vois, on regarde juste un peu, on dit, ah ouais, tiens, c'est marrant, ah, il a dansé dans un pull rose et tout, machin, il a détourné de l'argent, il est parti en taule, il est sorti assez vite. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. T'imagines si vraiment on creuse et tout? Bah, quand t'as poussé, tu te souviens de l'épisode Grindry qui travaillait à la mairie de Oh, Levallois? mais oui, en plus, c'est même pas genre un scandale. Je le rappelle, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'était quelqu'un qui bossait avec eux, du coup, qui était d'origine asiatique, et il l'appelait Grindry, mais au calme, vraiment, sans problème. C'est pas en mode, ouais, t'as vu, c'est Grindry, il vient de passer là. T'sais, en mode à la machine à café, ça discute, ouais, t'as vu Grindry ce qu'il a fait, machin. Non, c'est, hey, Grindry, appelle Patrick pour moi, s'il te plaît. C'est son prénom maintenant, et Ah c'est ouais. incroyable. Et le pire, c'est que ça, on l'a vu en vidéo. C'est même pas comme si on avait entendu parler de ce scandale parce que quelqu'un les avait Ouais, c'est pas une balancés. Non. rumeur, tu vois. C'est pas une Mais rumeur, non, c'est des faits. devant les caméras, ils assument. Je crois que c'est ça leur plus grande force, en fait, leur plus grande force comique et qui fait que leur spectacle sera certainement un des meilleurs sur Billets Réduits avec les meilleures notes possibles. C'est qu'il n'y a pas de triche et ils assument totalement ce qu'ils font. Ah oui, clairement. Alors, je On pense qu'il y dirait. a des trucs cachés quand même, tu vois, mais je pense qu'ils assument. Certainement, mais. Tu penses pas, Steph, qu'on devrait prendre des leçons de l'humilité et de la sincérité des Balkany, franchement? Bah si, c'est comment tu peux, tu vois, c'est un mec qui a forcément super confiance en lui. Tu vois, pour tenir des discours pareils, il a super confiance en lui. Et je pense qu'il pourrait même faire une masterclass sur la confiance en soi, tu vois. C'est ça. T'y Ah, vas, t'y lui. crois, si t'y crois, ça passe. Voilà, moi je le verrai clairement sur scène. Moi je te jure, je me dis, enfin, il devrait faire de la scène peut-être. Et si ça se trouve, il est juste en train de nous préparer un one-man show de ouf depuis 30 ans, tu vois. Si on cherche bien, je suis sûr qu'il a déjà fait acteur, comme Tapi, tu vois. Ouais, mais tu sais que là, on vient de l'apprendre. Enfin, on vient de l'apprendre. L'info, elle existait déjà, mais du coup, ça vient de sortir à l'occasion de la mort d'Yves Régnier. Hein, voilà, Yves Régnier qui jouait Commissaire Moulin. Et ben, Patrick Balkany a joué dedans. Ah Il bah a voilà. joué. Je te jure, il a joué son propre rôle dans un Bah épisode. voilà! La boucle Et est j'avais fait, bouclée. voilà, j'avais fait une vanne là-dessus dans la minute de saut. J'avais beaucoup de respect pour le commissaire Moulin. Tu sais, je trouvais que c'était un bon flic. Mais quand t'as Balkany entre les mains et que tu l'arrêtes pas, Et c'est. le pire, Il a c'est baissé que dans mon estime. t'imagines quand il a dû arriver en prison, quoi. Genre les mecs, il a dû Oh, taper des tchèques avec tout le monde. Salut, tu vas bien? Patoche! Patoche, ça va ou quoi? Comment ça, y a pas de condiment, sont Ah, trop mais tu sais, fans, les moi ce qui m'énerve un petit peu là-dedans, c'est que quand ce genre de mec va en prison, il va pas en prison, il va juste dans une espèce d'hôtel un peu décalé, tu vois. Ouais, c'est ça. Où il n'y a pas Tu de vois? cornichons. Et le mec, il est outré, il n'y a pas de cornichons dans mes repas. Je suis pas bien. C'est juste ça, c'est juste ça, c'est tout. Mais sinon, il est pépère, le mec il a à la télé, il a tout ce qu'il faut et tout, tu vois. Enfin, si tu veux, moi ce que j'aime pas dans ces trucs-là, c'est les traitements de faveur. Pour moi, la prison, c'est la prison. Je suis d'accord. Tu dois aller en prison, c'est tout, je suis désolé. Si tu vas en prison, tu vis la même vie que les prisonniers. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas une prison. Tu vois, Ah ça non. s'appelle, je ne sais pas moi, une retraite spirituelle ou j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, mais voilà. Ah, c'est comme quand toi tu vas aller en garde à vue et que Monsieur Sarkozy va en garde à vue. Je pense que c'est pas les mêmes gardes à vue, tu Ouais, la taille de l'annuaire, ce n'est pas la même, tu sais, quand ils vont taper, tu vois. Je pense Il y pas a qu'ils plus de disent poils enlevez dans vos le tien. lacets. Voilà, quand c'est Sarko qui se retrouve en garde à vue, ils lui font enlever les chaussures et ils lui mettent des jolies pantoufles. Tu sais, les Ouais, c'est pantoufles ça, c'est ça. dorées. Un petit café. Voilà. Voilà, ouais. Comme dans les hôtels, tu sais, quand il y a des pantoufles avec le logo de l'hôtel brodé. Là, carrément, lui, ça doit être marqué Nico dessus, tu sais. Imagine la Ah. petite cellule aménagée, t'es genre. Mais non, mais c'est clairement ça. Ils ne les mettent pas dans la vraie Ah non. prison. Après, je dis pas qu'ils doivent partager leurs cellules avec d'autres mecs. Ça, c'est encore autre chose. Parce que comme c'est des personnages publics, ça pourrait partir en vrille, on va pas se mentir. Mais au moins, mettez-les un peu à l'écart, mais dans une vraie prison, un vrai truc. La même, si tu veux, une cellule comme les autres, mais en mode tout seul, c'est tout. La même chose, quoi. J'imagine les mecs, elle est pas finie, les murs sont gris, il n'y a pas de peinture. Ils vont gueuler, tu sais, et ils vont dire, ouais, écoutez, si vous voulez, à la mairie, j'ai un contact avec un très bon peintre. Bah, d'ailleurs, c'est justement par rapport au versement que je lui ai fait que je me suis fait gauler, tu vois. Enfin, mais tu sais que ces mecs-là, quand ils se font refaire leur peinture, quand ils se font refaire leur piscine, tout ça, c'est aux frais du contribuable. Hein. Bah ouais, mais en plus, t'as vu, je pense qu'ils ont tous des petits surnoms, tu vois, pour la peinture, ta peau de peinture. Pour tout ce qui est Simone, sac de sable. Ça va dans le même sens que grinderie, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, ça part dans le sens. Ils ont tous des petits surnoms. C'est des Sims. Mais de ouf. Mais tu sais quoi, ça me rappelle. Des Sims. Ça me rappelle une blague, en fait, que j'avais entendue il y a longtemps. Alors, c'est pas une blague de mon spectacle ou d'un spectacle, hein. C'est une blague d'Internet. Hein. C'était genre à Marseille, la mairie de Marseille, genre qui veut repeindre la mairie, quoi, le bâtiment de la mairie. Et donc, le mec, il fait un appel d'offres, le maire, il fait un appel d'offres, et t'as trois entrepreneurs qui viennent. Tu la connais ? Non, mais je pense que ça va être super drôle. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Moi, je l'aime bien. T'as trois entrepreneurs qui se manifestent. T'as un Parisien qui dit « Moi, je vous le fais pour 2 millions d'euros ». T'as un Lyonnais qui dit « Moi, je vous le fais pour 1 million d'euros ». Et t'as un Marseillais qui dit « Moi, je vous le fais pour 3 millions d'euros ». Il a pris le Marseillais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Marseillais lui a dit « En fait, je suis à 3 millions parce qu'il y a 1 million pour moi, 1 million pour toi et 1 million pour le Lyonnais ». Tu vois, c'est beau. Et, ouais. Mais c'est des magouilles. Mais en plus là, c'est une blague, mais c'est clairement ça. C'est ça. T'as besoin de combien pour faire ce truc-là? 250 000. Allez, t'inquiète, on te met 400 000. Et du coup, il y a 150 000 flottants, tu vois. Genre, il y a 150 000 euros qui flottent dans l'air et qui vont être utilisés pour les vacances, refaire la garde-robe, tu vois, se refaire la piscine, machin, payer un appart. Enfin, après, ça va faire un apport, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, je l'ai vu cette semaine. Je suis parti me faire vacciner contre le Covid, la Covid. Et je rentre dans le centre de vaccination et... Il s'avère que je vois un jeune arriver en Porsche, une belle Porsche. Il rentre dans le centre de vaccination et un gars qui bosse là-bas est un voisin à moi. Et je lui dis, mais c'est qui? Je crois que c'est un joueur de foot. Hein. Je te jure, j'étais là, je crois qu'il y a N'Golo Kanté qui est venu se faire vacciner, tu vois. Et en fait, il me dit non, c'est l'adjointe, la présidente adjointe du labo. Ah, je fais, ça paye les vaccins, en fait. Ça paye de fou. Ça paye bien de sûr. Fou. En fait, quand tu fais un centre de vaccination, il y a beaucoup d'argent qui rentre quand même, tu vois. Ah, bien sûr, c'est un lobby, tu vois, ça fait partie, ça bosse avec le lobby pharmaceutique, tu vois, Big Pharma. Et voilà. Ouais. Et nous, on n'est tellement pas dans cette sphère. Bah non, on n'est pas, nous. Tu sais, pour rigoler, on dit souvent, les gens qui ne font pas de l'humour, on les appelle les moldus. Ben là, c'est nous les moldus là-dedans, tu vois. Genre ceux qui croquent pas. Tu sais, c'est un peu comme avait dit Séguéla, tu vois, genre l'histoire de à 50 ans, si t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Bah là, avec eux, à 50 ans, si t'as pas fait tes magouilles, si t'as pas profité du système, c'est que t'as raté ta vie, tu vois. Bah, c'est clair. Et en fait, quand tu regardes, c'est toujours des anecdotes. Quand ils se font attraper, c'est toujours sur des trucs bidons, tu vois. Et en fait, derrière, tu dis, ils les attrapent sur des petits trucs. Et en fait, derrière, je suis sûr que c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Il y a toujours derrière, quand tu creuses, il y a toujours d'autres trucs, d'autres magouilles. Et c'est ça qui est flippant. Ça. T'as l'impression que tout le monde. Enfin. Tu rentres dans ces sphères-là, il n'y a que des grosses magouilles, en fait. C'est clair. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus parce que, tu vois, tout le monde a des dossiers sur tout le monde. Et pourquoi ils se font choper pour des petits trucs? C'est parce que ces petits trucs-là, peut-être, ils n'impliquent que. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les gros trucs, lui, il a croqué, mais moi aussi, j'ai croqué. Donc, je ne vais pas le balancer pour ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand tu vois des fois les frais qu'ils ont de traitement et que tu vois, il y a quelqu'un qui peut dépenser peut-être 20 000 euros en taxi, tu vois. Des trucs de fou, tu vois. Bah, c'est comme si nous, dans le stand-up, tu vois, on mettait des factures de 20 000 euros de catering, tu sais. C'est ça. Genre, punaise, il devait y en avoir des sneakers, hein, je te le dis. Ah ouais, ouais, ouais, le buffet, il était bon. Et ben justement, du coup, oui, par rapport au stand-up, toi, t'as vécu des galères au niveau du, enfin, je sais pas, du catering, des buffets, tout ça, t'as bu... Bah, moi, j'ai pas encore eu la chance d'avoir un catering. Donc, tu vois, je suis au niveau inférieur, j'ai pas encore le sneaker. Mais t'as tout fait à l'envers, frère, t'as tout fait à l'envers. Attends, t'as commencé ouais, à faire la tête. J'ai eu droit à paye ta conso pour jouer, ça j'ai eu. Ah ouais. Ça c'est dur. Hein. Bah, d'habitude, alors attention, parce que bien évidemment, on n'est pas en train de dire que puisque tu joues, toutes les boissons doivent être offertes toute la nuit. Mais par contre, au moins une boisson. Ça... Voilà. une boisson. Il y a des endroits où ils te donnent deux tickets, ils te disent t'as deux boissons. Ça va. Ouais. Moi, j'estime que c'est bien. Il y a tellement de stand-uppers sur Paris que. Non, mais t'en offres une au moins pour la forme. Ouais. Tu vois, t'en offres une. Et tu peux même dire je t'en offre une, mais par contre, pas d'alcool ou j'en sais rien. Tu vois, genre, oui, je t'offre un soft. Même juste. Allez, une eau gazeuse, allez. Ou alors, si vraiment t'es un crevard, une eau gazeuse sans gaz. Ouais, c'est des fois, tu dis, voilà, c'est comme ça. Après, je pense que le plaisir qu'on trouve à être sur scène, moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que... Clairement, on monte pas sur scène pour le coca. Hein, non, c'est clair, c'est clair. Franchement, c'est pas grave. C'est quoi, laissez-nous... Et même pour l'argent, je te dirais, même pour l'argent. Mais non, parce que si tu montais sur scène pour l'argent, tu monterais pas sur scène, vu qu'il y en a pas à la base. Parce que pour arriver à faire de l'argent avec de la scène, il faut faire tellement de scènes gratuites avant, et même des scènes où tu as payé des fois. Pas payé directement, genre le mec, tu lui donnes de l'argent et il te laisse monter. Non, mais genre, viens jouer, par contre, je te paye pas l'hôtel, je te paye pas le transport, je te paye pas la bouffe, et en gros, bah, tu te retrouves avec des frais, quoi. Ouais, j'ai fait un concours d'humoriste, là, et je suis parti à Lille. Bon, ça m'a coûté d'aller jouer à Lille, mais j'étais tellement content. De jouer. Eh oui, parce que c'était en plein milieu du confinement. Ouais, c'est ça. Eh ben oui. Là, à ce moment-là, tu sais quoi, moi, j'aurais été prêt à payer pour jouer. Genre, le mec vraiment qui m'aurait dit en mode direct, file-moi 50 balles et tu montes, j'aurais réfléchi un peu. Tu vois, j'aurais dit, franchement, ça se tente. j'aurais dit, ça dépend. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Est-ce qu'Harry Roselmack est là? Tu vois ce que je veux dire? Il y a moyen de. Mais, est-ce que le kit, il n'est pas trop serré? Tu vois, genre, est-ce que je l'ai bien mis et tout? Tu vois, vraiment. Tu vas à Barcelone, non? Ben voilà, justement, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, j'ai pas payé pour jouer, mais j'ai eu des frais pour jouer et c'était tellement volontaire de ma part parce que oui, j'ai réussi à m'échapper. C'était avant le confinement, hein, je tiens à préciser. Je ne suis pas parti pendant le confinement parce que j'ai joué le jeu, je me suis confiné comme tout le monde. J'ai respecté les règles. Mais avant le confinement, in extremis, j'ai réussi à aller jouer. C'était fin mars. J'ai réussi à aller jouer donc à Barcelone sur un plateau qui s'appelle Les Petits Barcelonais. J'en profite pour saluer l'équipe. Et vraiment, Nicolas, Rémi, ce sont des amours. Ils nous ont super bien accueillis. J'étais avec mon pote Abder Damoun. On a été jouer là-bas. Donc, lui, il vient de Rouen. Et on a été jouer. On a kiffé. Le public français là-bas, tu sais, le public francophone, c'est des expats. Il y a 25 000 expatriés là-bas. Et ouais, ils sont en demande. De ouf. Voilà. Et franchement, on n'a pas demandé est-ce qu'on est payé ou pas. On a dit on peut jouer, allez, on arrive. Et hop, on a pris un Flixbus. Parce qu'évidemment, on voulait réduire les frais, tu vois. Mais oui, forcément. Par amour du jeu, on peut aller loin. Oui, bien sûr. On est prêt à tout parce que c'est vraiment l'amour de la scène et tout. Moi, je ne connais pas un humoriste qui, pendant ce confinement, pendant cette période difficile, on lui dit tu sais quoi, il y a moyen que tu joues, mais tu ne seras pas payé. Est-ce que tu viens quand même ou pas? Moi, je n'en connais pas un seul, en tout cas de notre génération, des nouveaux humoristes, en fait, on va dire. Je ne parle pas d'un établi. Oui. Voilà. Non, on parle d'un aspirant, d'un nouveau talent, comme on dit. Ouais. J'en connais pas un seul qui va dire « Ouais, non, franchement, je préfère attendre d'être payé. » Tout le monde veut jouer. Donc là, on est content qu'on ait eu enfin la bonne nouvelle que ça va rouvrir, quoi. D'ailleurs, on fait un appel à toute la France. Hein, si vous voulez qu'on vienne jouer chez vous, on peut venir. S'il y a un bon catering. Sans problème. Un peu d'oseille serait bien, mais on vient. Voilà, voilà. Vous envoyez ça à tournée@patrickbalkany.com. Voilà, on vient avec Patrick. Voilà. Ben, tu sais quoi, on chauffe la salle pour lui et puis après, il joue. Et je suis sûr que ça marche. Et là, on a peut-être un concept. Hein. La tournée genre stand-upper et politicien véreux, tu sais. ça peut être pas mal. Après, je te le dis tout de suite, prom sur la première partie de Sarko. Je te le dis. Ouais, voilà. Je vais peut-être prendre Hollande alors. Alors vraiment sincèrement, tu penses qu'il fait partie du club? Je pense qu'ils font tous partie du club. Dans une certaine mesure, oui. Mais moi, j'ai l'impression. Alors peut-être je me laisse avoir par son côté un peu, tu sais, tout gentil. Enfin, tout gentil. On a bien vu que finalement, c'était pas du tout le cas. Mais c'est son côté président normal et tout machin. Je me laisse peut-être avoir par cette image qu'il donne. Mais j'ai l'impression que lui, tu vois, il a dû taper dans la caisse, mais moins que les autres. Ou je sais pas comment dire, mais je sais pas. Ouais, mais par contre, je suis sûr qu'il fait une belle histoire avec son scooter et ses croissants. Je suis sûr qu'il en fait un beau storytelling, ça passe. Il y a toujours moyen de raconter des trucs qui nous sont arrivés et qui sont marrants, quoi, tout simplement. Tu sais quoi, moi, je me retiens en fait, mais en vrai, j'ai envie de faire galère de tout le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bah en ouais. mode, même le boulanger, j'ai envie de lui dire, vas-y, raconte-nous tes galères dans mon podcast. Bon, ça rentre pas dedans, donc je le fais pas. Moi, je me cantonne aux humoristes, aux comédiens, aux imitateurs, même aux magiciens, parce qu'ils font partie pour moi de la même trempe, parce que la magie aujourd'hui, elle est très comique. Et j'ai envie de basculer petit à petit aussi, enfin, basculer. Ça veut pas dire que je vais laisser tomber les humoristes, hein, certainement pas. J'ai envie d'amener, tu vois, une partie, hein, de l'argent, pardon? Non, d'élargir le... Ah, d'élargir, j'avais compris, de l'argent. Écoute, si tu me proposes Sofiane. De l'argent, moi, je suis chaud. Hein. Moi, je suis chaud, écoute. Hey, on a parlé de Balkany, ça m'a chauffé, je veux de la thune maintenant. Voilà. Franchement, je te dis, j'ai envie d'élargir le concept. Voilà, tu as dit le bon verbe, en fait, élargir. J'ai envie de l'élargir, en fait, aux youtubeurs aussi. Mais les youtubeurs humour, hein, tu vois. Parce que j'estime qu'on a tous des galères. Moi, je veux mettre les galères dans ce podcast, les galères des gens qui veulent faire rire les autres et qui se retrouvent finalement à vivre quelque chose de drôle malgré eux. Tu vois, c'est un peu ça, ou quelque chose de gênant. Donc, c'est pour ça. Je fais un petit appel au passage. Voilà, si jamais il y a des youtubeurs qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas, hein, vraiment, avec grand plaisir. Et puis, on organisera ça. On fera des petits hors-série galères de youtubeurs avec grand plaisir. C'est vrai qu'ils doivent avoir des galères entre les connexions, les messages. Même avec la vraie vie, parce que nous, nos galères, elles sont dans la vraie vie, tu vois. Même avec la vraie vie, quand ils organisent des rencontres avec leurs fans et tout, il y a forcément des anecdotes de ouf, des gens qui se sont fait sauter dessus par leurs fans, des trucs bizarres, tu vois. Donc, petit message aux youtubeurs, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus dans le podcast également. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est galère d'humoriste. Et tu en avais une deuxième à nous raconter? Ouais, alors moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai fait un AVC en juin 2019, alors que je venais de commencer le stand-up en février. Et du coup, ça m'a impermeabilisé au bide, en fait, parce que j'avais pas peur de bider, de faire une conférence sur scène, tu vois. J'ai plus peur qu'il m'arrive un truc sur scène. Et j'avais peur de mourir sur scène, carrément, faire une Dalida, tu vois. Et du coup, ouais, c'est te rends compte que finalement, bider, c'est rien. Tu vois, c'est pas grave. Ouais, ça t'a enlevé cette peur du bide, tu l'avais avant et maintenant, tu l'as plus du tout, quoi. En fait, bah, ça fait pas plaisir quand les gens ne rigolent pas, tu vois. Mais j'ai pas peur de ça du tout, tu vois. Parce que quand t'arrives à l'hôpital et que t'es pas loin d'être mort, bah, en fait, tu te dis, c'est que du bonus après, tu vois. Monter sur scène, faire plaisir aux gens, bon, ça marche pas, tu retravailles pour que ça marche. Et le bide, il doit t'emmener plus loin dans ton humour parce que tu dois apprendre. Et pour apprendre, il faut rater. C'est aussi simple que ça. Mais c'est une belle façon de voir les choses. Ouais, et déjà, Dieu merci, tu t'en es sorti parce qu'un AVC, c'est quand même chaud. Ça aurait pu être vraiment dramatique. Donc, pour la majorité des gens, c'est plus grave que pour moi. J'ai eu de la chance. Ouais. Et puis, en plus, tu as pu en tirer un enseignement et une sagesse, quoi, au final, de relativiser les bides et tout. Donc, vraiment, bravo à toi. Un respect, belle anecdote, franchement, respect. Je pense que c'est important pour les jeunes humoristes, quand tu commences, de ne pas stresser sur ça. C'est-à-dire que, oui, tu vas bider. C'est une certitude. On bide tous. Et le but, c'est d'avancer. Donc, tu es obligé de... Faut pas rester focus dessus, tu vois. Et quitte à bider, bah, c'est recommencer après et améliorer ton passage, etc. D'accord, je comprends. Mais bravo en tout cas et merci beaucoup d'avoir partagé ces belles anecdotes avec nous. Bah, merci à toi, Sophie. Bah, franchement, c'était un plaisir. Sincèrement, c'était un plaisir et j'ai hâte qu'on puisse partager une scène ensemble. Ouais, moi aussi, je suis pressé qu'on puisse jouer ensemble. Ah, ce sera avec grand plaisir. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Insta... Et alors, Insta, c'est Stéphane.Malik et sur Facebook, c'est Stéphane.Malik aussi. Ouais, d'ailleurs, moi, ça me fait penser que quand je vais sur ton profil, ça me fait trop rire. Déjà, j'aime beaucoup le logo que tu as mis, c'est super stylé. C'est quoi, en fait? C'est une photo que tu as transformée? En fait, c'est une photo. Avec... En fait, j'ai vu une pub d'un mec qui faisait des... En fait, c'est un logiciel, hein, c'est une application, mais elle est payante, mais tu as 2 jours d'essai. Et en fait, ça prend une photo, ça la met en dessin, tu vois. Et je l'ai fait. Et j'ai bien aimé, j'ai résilié le truc et j'ai gardé la photo. Et je me suis dit, ouais, ça fait un beau logo. C'est ce que j'allais te dire quand tu m'as dit, tu peux résilier, genre, t'as 2 jours d'essai gratuit. Je me suis dit, c'est sûr, il a dû résilier au bout des 2 jours. Tu vois. Normal. Bah, en même temps, c'est fait pour. Hein. Bah ouais, mais surtout, c'était, je voulais voir, quoi. C'est comme Netflix. Je sais pas s'ils le font encore maintenant, mais Netflix, à l'époque, ils faisaient 1 mois gratuit. Je crois qu'ils ont arrêté. Bah, ouais. Moi, à l'époque où je l'avais pris, je vais même te dire pourquoi. Je l'ai pris. Une fois, je suis parti chez un mec, j'étais dans un Airbnb à Nantes et le mec, il m'a dit « Ouais, j'ai Netflix et tout ». J'ai dit « Ouais, j'en entends parler ». Ça devait être en 2017 peut-être, un truc comme ça. Il me dit « Ouais, j'ai Netflix et tout, machin ». Et je dis « Ah ouais, ça a l'air sympa, ouais, il paraît qu'il y a beaucoup de spectacles dessus ». Et il me dit « Ouais, il y a ça, il y a ça ». Il me montre et tout. Et après, je lui dis finalement, est-ce que ça te dérange si je passe la nuit devant Netflix au lieu de dormir? Et il m'a dit non, vas-y, pas de problème, tu vois. Et je suis tombé amoureux de Netflix à ce moment-là et j'attendais de le prendre. Et ce qui m'a décidé à le prendre, c'est quand le spectacle de Gad Elmaleh, Gad part en live, était sorti. Et je l'ai pris pour ça. Et je me rappelle, à l'époque, je m'étais dit, il y a un mois gratuit en plus, je risque rien, il n'y a pas de problème. En plus, même après, quand tu payes, tu peux résilier quand tu veux. Et donc, surtout, moi, ce que j'avais trouvé super cool chez eux, c'est que non seulement ils te filent un mois gratuit, mais surtout, genre 2-3 jours avant la fin, ils ne la font pas genre discret en mode, allez, il va oublier, t'inquiète. Non, non, ils sont obligés de te prévenir. Ils sont obligés de te prévenir maintenant. Légalement. Ah, d'accord, ok. Parce que j'allais te dire, ils sont tellement. Moi, je pensais que c'était en mode, on est tellement sûr que tu vas rester qu'on t'envoie la notification. Non, mais en plus, franchement, pour le stand-up, c'est mortel. Il y a OCS aussi qui est pas mal. Je sais pas si OCS, tu peux le prendre à moi, je crois qu'il y a des offres. Il y a plein de spectacles. Et surtout, il y a une série qui s'appelle Crashing. Je sais pas si tu connais cette série. Oui, j'ai vu la série. Ouais, c'est la série de Pete Holmes. Ouais, elle est magnifique. J'ai regardé. Galère d'humoriste, c'est exactement ça, tu vois. Moi, je kiffe vraiment Crashing. J'ai regardé aussi I'm Dying Up Here. Super série sur le stand-up. Moi, de toute façon, dès que ça parle de stand-up, je kiffe. Donc, c'est cool. Ouais, et puis c'est tellement un mode de vie. Enfin, c'est un lifestyle, tu vois. Je me rends compte que moi, maintenant, j'analyse plus le monde comme avant. Je l'analyse vraiment façon stand-up, tu vois. Tout ce que je vis, tu vois, par exemple, quand je te parlais de l'émission télé, pour moi, je me dis, c'est un sketch. Je suis dans un sketch. On a cette capacité à prendre du recul sur les situations et se dire, tu sais quoi, pendant que tu es en train de vivre ta galère, tu es en train de dire, tu sais quoi, là, je suis en train de galérer, mais bientôt, j'en ferai un set. Ouais, c'est ça. Bah, l'AVC, j'en ai fait un, tu vois. Bah, c'est véridique. Hein. Je vais à l'hôpital. En fait, ils savent pas. Le médecin vient chez moi, il sait pas si j'ai fait un AVC ou pas, vu que je parle normalement, mais je suis paralysé. Et il me dit, ouais, je vais appeler le 15 et je vous rappelle. Il rappelle le 15. Le 15 lui dit, bah, faut qu'il aille à l'hôpital à Paris. Et donc, je peux pas conduire. Donc, c'est la première fois de ma vie que je prends un VTC, tu vois. Première course, et le mec, il m'envoie un message, il me dit, annule ta course. C'est chaud quand même, je dois aller à l'hôpital, tu vois. Ils m'ont pas appelé d'ambulance. J'y suis allé en VTC à l'hôpital. Il me rappelle le médecin, il me dit, ouais, par contre, faut monter directement au 12e étage. Et dans ma tête, je me dis, oh, j'ai pas de chance. 12 étages, j'espère que l'ascenseur il est pas en panne, tu vois. Oh là là là là. Et j'arrive, et le mec il prend ma tension direct, hein. 22-12 de tension. Il me fait, vous savez que là vous êtes presque mort. Ah ouais. Ah, cette phrase là elle est magique. En plus, ils te mettent sur, tu sais, genre, ils t'emmènent faire un. C'est pas un scanner, c'est un. Je sais plus comment. Un IRM. Ouais, un IRM. Tu sais, ils commencent à courir dans le couloir avec le brancard et tout. Et je me dis, ouais, moi, je connais, tu vois, des séries. Et je pense, tu sais, je pense aux séries médicales. Quand ça court, c'est pas bon, tu vois. Ouais, et je pense ouais, à H. Ouais. À un moment, je pense à H. Tu vois, je te jure, je trouve qu'ils sont tous nuls. Les internes, ils sont tous nuls. Et après, il me dit, ouais, vous avez un AVC. Ah, là, j'ai compris que c'était chaud, tu vois. Mais je rigolais, tu vois. Tout le long, je rigolais. Bah ouais, voilà. T'étais en train de noter tes idées quelque part. T'étais en train d'enregistrer un petit peu, voilà. T'es en train de te dire, ça, faudra que j'en parle, ça, j'en parlerai. Mais on a tous le même réflexe. Hein. Moi, le premier, ben, tu vois, moi le premier, dès que je vis un truc et que je me dis, faudra que j'en fasse un set, dès que je le vis, je suis en train de dire, ah, cette phrase-là, elle est importante, faudra bien que je la note et tout, tu vois, voilà, des trucs comme ça. Ah. Ben, c'est la résilience qu'on a en tant que stand-upper, c'est de recycler nos galères en set sur scène et tout. En fait, c'est ça que j'ai adoré dans le stand-up. Toutes tes galères, tu peux les transformer en trucs positifs, ça peut aider des gens. Et je me dis, ouais, c'est magnifique, tu vois. Le message, il est magnifique. On vit beaucoup de choses absurdes, tu vois. C'est comme, tu vois, le Covid. Tu vois, regarde, je survis à mon AVC. Je me bats pour ma rééducation. Le premier truc que je fais après, c'est un voyage. Où je pars, fin 2019, en Chine. Je suis en novembre 2019, je suis en Chine, tu vois. Donc, t'es parti. Du coup, est-ce que c'est pas toi qui nous a ramené le premier cas, le premier virus ici ? Moi, on me dit de ramener des souvenirs un peu originaux. Je ramène des souvenirs originaux, tu vois. Garantie. Là, tu peux pas faire plus original. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Et je suis là-bas, après, on revient, Covid, tu vois, je dis, attends, c'est quoi ma vie maintenant ? Tu reviens de Chine, tout le monde est bloqué chez soi, le monde est arrêté, il y a un mec qui se dit président de la République qui te dit reste chez toi, tu te fais une autorisation toi-même pour sortir, tu mets un masque. Si on nous avait dit ça il y a à peine 2 ans, on l'aurait jamais cru, quoi. Mais jamais. Mais même, il y aurait une série qui serait sortie comme ça, on aurait dit, ouais, c'est bien, mais c'est exagéré, tu vois. C'est exagéré. J'avoue. Genre, ouais, ils sont allés un peu loin, Black Mirror, hein, quand même. Ouais, c'est ça, c'est Black Mirror. Plus de resto à Paris, c'est impossible, tu vois. La France, c'est le pays de la gastronomie et tout. Donc, c'est ça. Nous, on nous aurait dit, ouais, tu joues pas parce que les restos et les bars sont fermés. Jamais on t'aurait cru. On est content, en tout cas, que tout ça, ça commence à être derrière nous. Ouais. Mais je pense que ça. ça a permis aux gens de comprendre ce qui était déjà important, tu vois. Bah, même si on oublie vite, hein, l'être humain oublie vite, tu vois, mais faut vivre, hein. C'est ça le plus important. Le message, il est là, tu vois. C'est-à-dire quand tu as la possibilité de vivre, faut vivre. Parce que ça peut, tu vois, du jour au lendemain, on peut se dire, ouais, tu sors plus de chez toi, tu regarderas la télé, tu iras plus au cinéma, tu iras pas manger au resto. Heureusement qu'il y avait Uber Eats, hein. En fait, ça fait fin du monde, mais sponsorisé, tu vois. Netflix, Uber Eats, Amazon. C'est comme la Ligue des Champions, il y a des sponsors maintenant. C'est un délire. T'as des enfants, toi? Ouais, j'en ai trois, ouais. Moi, j'en ai deux. Moi, mon fils, c'était sa première année de CP, tu vois. Pareil, mon petit dernier, il était en CP. Allez, il a fait quoi jusqu'à mars? Jusqu'à mars, il va à Ouais. l'école. Et après, il n'y a plus d'école. Il est au CP, il n'aime plus l'école, il préfère être à la maison. Ouais, mon fils, j'ai mon fils aussi pareil, le petit dernier, il était en CP. Et le coronavirus est venu à ce moment-là. Et en plus, c'est l'année, vraiment, c'est une année assez charnière quand même, le CP, tu Ah vois. oui, c'est Donc, important, c'est des changements d'école, c'est changement de fonctionnement, c'est début vraiment de l'apprentissage à proprement dit. Et c'est toi qui fais le prof, tu vois. Ah mais ça, c'était marrant de fou. Et tu vois ces lacunes, tu vois, tu te dis, ah ouais, non, il déconne, il est comme moi en fait, il a le même défaut que moi. ah ben les chiens font pas des chats, hein. Ah c'est ça, c'est ça. Et tu dis, ouais, c'est... Mais t'imagines, eux, comment c'est dans leur matrice, comment ça a changé, tu vois. Eux, il y a la télé-école, tu vois. Nous, jamais il y a eu... Nous, le prof, il était là ou il n'était pas là, c'était fini. Mais là, tu fais l'école à la maison. Mais heureusement que ce n'est pas nos parents qui ont fait des cours, hein, parce que ils n'avaient pas notre patience. Ils n'ont pas ce truc de... Après, je pense qu'on a tous atteint nos limites au niveau de la patience, hein. Ah, c'était Franchement, chaud. Eh, franchement, le début, ça faisait tellement fin du monde. Ça faisait, tu sais, film catastrophe, tu vois. Genre, moi, je me rappelle, je sortais même pour aller chercher le pain. J'ai l'impression que c'était Tchernobyl, tu vois. pareil, tout le monde comme ça. Et puis en plus, au début, il n'y avait pas de masque et tout, donc. Bah ouais, en plus, tu sais, ce côté, tu sais, quand il parle, on est en guerre, ça y est, nous sommes en guerre. Elle est bidon, ta guerre, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, tout est bidon, tu vois, tu dis, ouais, on est tous chez nous. Et en fait, les gens, ils craquent, psychologiquement, ils craquent. C'est pour ça que c'est bien que ça reparte et que, tu vois, on puisse refaire de l'humour, parce que je Oh pense qu'on va oui. être très, très demandé. Les gens, ils ont besoin de rire. Ben, nous, on a besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Donc, c'est parfait, c'est un accord parfait. Ah ouais, non, c'est clair. D'ici quelques jours, du coup, les spectacles reprennent et quand le Ouais. podcast sera diffusé, ouais, on sera déjà sur scène. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir remonter sur scène après tout ce temps de privation. En tout Oui. cas, ben, c'est cool et merci beaucoup. Donc, on te retrouve sur Facebook et sur Instagram, il n'y a pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.